Adieu mon ami, mon artiste Arafat, que la terre te soit légère. Ainsi va la vie. Nadreo, en tout cas c'est Dieu. Yeah. Oh, yeah. Nadreo, en tout cas c'est Dieu. C'est quelle nouvelle ça là, on est posé chez nous. On nous dit comme ça que tu as fait un accident. Au début tout le monde pensait que c'était Buzz, parce que c'est toi-même le créateur des Buzz Abidjan. Mais à un moment donné on s'est rendu à l'évidence, et on a compris que c'était pas amusement. Oh yara, oh, tu n'as pas dit comme ça. Tu n'as pas dit comme ça. Didier, oh, allez me. C'est Dieu, yeah. Difficile de l'accepter. Oh, yara, oh, Arafat, c'est trop dur. J'ai mal au cœur car aujourd'hui je dois parler de toi au passé. Tu étais plus qu'un artiste, le monde entier te plairait. Yara. Non, moi je crains pas, tu peux pas partir comme ça. Toi le Daishikan sans tant de protection. On dit toujours que les meilleurs partent les premiers. Mais ton départ là-haut, je peux pas supporter. Waouh, c'est trop difficile, Didier. Le champion des buzz, aujourd'hui là le buzz est trop fort pour nous. Yoraba nous a yo, yo. Arafat nous a yo, yo. Le Taichi nous a yo, yo. Mais une légende comme toi. Champion, tu as marqué ton temps. Tu es un monument chinois à vie. Didier, il y a 3 mois de cela, on s'est croisé à Lyon, Rivière de là. Tu m'as dit un télo, je te bigo bientôt, pardon, faut m'appeler. Est-ce que tu penses qu'un jour ton papa Ahmed Bakayoko s'en remettra? DJ, tu n'as pas science. You, you, eh. You, you, eh. You, you, toi rouge. Razak, si loué, oh. Mon ami Olo Yako. Olo Pache. Ah. Ali le code, Ivan Trésor. En ensemble, les gars. C'est tout près les moutons. C'est toi mon camarade. Ils ont voulu me tuer, mais je reste vivant. Vous ne pourrez rien contre la volonté du Saint-Esprit. Ils ont essayé de me tuer, mais je reste vivant. Vous ne pourrez rien parce que je t'aimerais le Yarabo. Yara, donc c'est fini comme ça. Je pense à tes enfants, à ta même Tina. En tout cas, c'est Dieu.